Bonjour à tous et bienvenue dans la saison automne 2014 du cours en ligne sur l'économie du web et du document. Je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle aventure. Comme les années précédentes, le cours sera transatlantique puisqu'il réunit des étudiants de l'EPSI à Montréal, de l'ENSIB à Villeurbanne et de l'ENS à Lyon. L'expérience des années précédentes a montré l'intérêt des échanges entre des étudiants aux cultures et sensibilités proches, mais néanmoins bien différentes. Pour valoriser ces apports mutuels, nous vous proposons plusieurs outils et exercices. Ainsi, votre engagement dans le cours nécessite une ouverture sur les échanges, comme on dit, dans le ciel, c'est-à-dire au vu et au su potentiellement de tout le monde. Il arrive que certains soient réticents, mais cela fait partie aussi de l'apprentissage. Vous aurez du mal à comprendre l'économie du web si vous ne pratiquez pas vous-même le partage. Et vous verrez vite tout le bénéfice que l'on retire de la somme de nos apports, c'est-à-dire de l'intelligence collective. Je vous laisse découvrir cette première séquence consacrée à l'organisation et à une première introduction du sujet. Et je vous dis à bientôt sur un cahier ou sur Crocodoc.